Mercredi 30 mars à 21h, tout est dit sur Nostalgie. Au lendemain du concert d'Eddie Mitchell sur la scène de Bercy, revivez en exclusivité les plus grands moments, comme si vous y étiez. Avant sa tournée dans toute la France, le triomphe d'Eddie Mitchell sur la scène de Bercy, c'est mercredi 30 mars à 21h sur Nostalgie. Sur Nostalgie avec Si tu t'en vas et celle qui avait un petit bobo au cœur. Ça, c'est, j'espère, maintenant, c'est tout est guéri. Bah oui, Bonnie Tyler, It's a Hard Day. Dans 3 minutes, les infos. Entre Nostalgie Paris et vous, une histoire pour toujours. Écoutez, si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion, ne prenez pas de décision avant d'avoir visité le centre Renault Occasion au 13 avenue du Général Leclerc à Pantin. Choix exceptionnel de plus de 500 véhicules toutes marques, françaises et étrangères, tourisme et utilitaire. Garantie or, crédit et reprise préférentielle. Le centre Renault Occasion, c'est au 13 avenue du Général Leclerc à Pantin, porte de Pantin à 300 mètres du périphérique. Téléphone 48 10 42 42 48 10 42 42. Cette semaine dans Paris Match, 5 couples à la une. Les Clinton et l'affaire Whitewater. Bill vole au secours d'Hillary. Fergie, elle nous dit, Andrew est plus qu'un père pour nos filles. Michel Noir et Daniel, sa femme, unis dans la tourmente. Lady B, sa scandaleuse aventure avec le chef des armées britanniques. Caroline et Vincent, ils ne se quittent plus, ils ne se cachent plus, ils sont en couverture de Paris Match. En ce moment, la Samaritaine, il y a moins 20% sur tous les meubles. Par exemple, moins 20% sur 180 armoires de rangement et 60 meubles TVIFI. Jusqu'au 23 avril, moins 20% dans les 7000 m² du plus grand espace meuble à Paris, sauf Point Rouge. Et bien sûr, les meilleures solutions crédit. On trouve tout Paris à la Samaritaine. Géant Occasion. Avec les voitures que nous avons, on aurait pu s'appeler Superbe Occasion, Exception Occasion ou Immense Occasion. Mais non, on a choisi Géant Occasion. Parce que nos voitures sont superbes, nos prix exceptionnels, notre choix immense et que tous à la fois, c'est Géant. Géant Occasion. Si vous cherchez une voiture d'occasion comme neuve, modèle 93, moins de 20 000 km et garantie un an comme les neuves, cette voiture, nous l'avons. Géant Occasion, à deux pas du métro, mairie de Saint-Ouen, 49 33 60 90. La sécurité, c'est important. Chez Cascenter, un pneu rechapé 135-13 ne coûte que 99 francs. Cascenter, 112 114 avenue Lénine à Pierrefitte, 42 35 01 24. Cascenter, des conseils de pro. Dans la vie, mon petit, il n'y a pas de secret. Regarde la centrale immobilière. 3500 petites annonces, neufs et anciens en région parisienne. Classées par site, par prix, avec des photos couleurs, des conseils. La centrale immobilière est parfaite. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle a de qui tenir. C'est le petit dernier de la centrale des particuliers. Nouveau, la centrale immobilière. Petites annonces, neufs et anciens. 7 francs chez votre marchand de journaux. Des jours qui changent tout. Chez Renault Pantin, pour tout achat d'un véhicule neuf, bénéficiez des 5000 francs d'aide d'État. En plus, Renault Pantin vous offre jusqu'à 7000 francs de reprise. Ça change tout. Au total, économisez jusqu'à 12 000 francs selon les modèles. Ça change tout. Profitez de ces offres exceptionnelles du 14 au 26 mars chez Renault Pantin. Votre succursale Renault Pantin, 13 avenue du Général Leclerc à Pantin, porte de Pantin à 300 mètres du périphérique. 48 10 42 42 48 10 42 42. Nostalgie Paris, c'est pour la vie. Nostalgie. Il est 10h, l'heure de retrouver Alexandre Korozek pour les infos. Bonjour à tous, on commence par le sport, les championnats du monde de patinage artistique au Japon. À suivre en fin de matinée le programme Libre Dame. Surya Bonaly s'est classé, vous le savez, deuxième à l'issue du programme technique. Tout reste à jouer en fin de matinée. Nouvelle démonstration de force contre le CIP, de très nombreuses manifestations dans la plupart des villes de France. Les opposants au CIP se sont largement mobilisés pour dénoncer ce qu'ils appellent le SMIC jeune. Le cortège parisien comptait 20 000 personnes selon la police, 60 000 selon les organisateurs. Des incidents ont éclaté au moment de la dispersion. Selon un dernier bilan, 112 CRS ont été blessés, dont 5 hospitalisés. La police a arrêté 240 personnes, dont 74 font l'objet d'une procédure judiciaire pour vol, dégradation ou violence. 150 autres personnes ont été libérées. Et puis, des incidents se sont poursuivis une bonne partie de la nuit à Nantes. Ils n'ont pris fin que vers 3h30 ce matin. 80 personnes ont été interpellées, dont 36 sont en garde à vue. On compte également une vingtaine de blessés. Il y a beaucoup de dégâts matériels, des pillages et une trentaine de vitrines brisées. La cour d'assises des Pyrénées-Orientales condamne Christian Van Gelhoven à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. C'est la peine maximale. Cet homme de 49 ans a été jugé pour le viol et le meurtre de deux fillettes à Elne en octobre 91. Carambolage hier soir entre 9 véhicules, dont un camion sur l'autoroute A62 près de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. On compte 13 blessés, dont 3 seraient dans un état grave. Je reviens au sport, un oubli important. Je vous parlais tout à l'heure de patinage artistique. Je vous parle de football maintenant. Deux matchs avancés de la 31e journée du championnat de France. C'était hier soir. Monaco a été battu sur son terrain par Auxerre. 1-0. Le Paris Saint-Germain a battu Metz. 1-0 également. Les courses maintenant. Merci, le Tiercé Quinté Plus, ce sera à Évry cet après-midi. Il y a 18 chevaux au départ et Hubert Benahim nous conseille le 16, le 7, le 10, le 14, le 4, le 6, le 2 et l'As, je répète, 16, 7, 10, 14, 4, 6, 2 et As. Et nous passons ce samedi matin avec Eric Dreux. Merci, c'était Alexandre Korozek. Je suis sûr de trouver les grandes marques. Pour moi, les 3J, c'est avant toute chose la folie des prix. Les prix 3J, c'est en ce moment aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. 195 francs la chemise VO à carreaux pur coton. 129 francs la housse de couette Lafayette Collection. 195 francs la robe enfant pur coton jute pur. Les 3J, allez-y vite. Vous avez jusqu'à ce soir pour vivre le phénomène 3J aux Galeries Lafayette et aux Nouvelles Galeries. Oui, je suis pharmacien, mais je suis surtout une femme. C'est pour ça que les autres femmes se confient à moi. Un sujet important pour elles en ce moment, c'est la cellulite. Peu savent que leur corps stocke chaque mois des réserves qu'il élimine plus ou moins bien. Et les rondeurs sont différentes selon chaque femme. C'est pour ça que j'aime bien la nouvelle approche d'Elancil. Parce que pour la première fois, Elancil crée des soins anti-cellulite personnalisés. Le bon soin au bon moment, c'est très efficace. Tout savoir sur la nouvelle minceur Elancil, c'est dans Prima d'Avril et chez votre pharmacien. Il a des échantillons. Dernier train pour Londres, il vient de partir peut-être parce qu'il est déjà 10h10 sur Nostalgie. N'oubliez pas tout à l'heure le programme d'après vous, avec votre programme sur le 3615 code Nostalgie, rubrique d'après vous, c'est tout simple. Nous en connaissons avec Arletta et le groupe au Petit Bonheur. Soir rendez-vous à la pièce à Del Gaucho. Si t'aimes pas le sel, t'es qu'il a citron vert. Si au moins Arletta n'était pas au courant, ça y est, c'est chose faite avec ce groupe du sud de la France au petit bonheur. Si vous aimez, si vous voulez en savoir plus sur un artiste qui a énormément de talent, qui a sorti un nouvel album il y a très très peu de temps, et vraiment qui a une présence sur scène extraordinaire, il a testé une série de concerts en banlieue, dans la banlieue parisienne et puis en province, il est allé chez vous. Il sera en vedette dans quelques jours à l'Olympia, c'est Nilda Fernandez. Il sera entre midi et 2h votre invité, en compagnie de Véronique Lenir, un rendez-vous auquel vous êtes conviés et qu'il ne faut absolument pas rater. Chez Ford, c'est le printemps de tous les coups de foudre. Venez découvrir les nouvelles gammes Fiesta, direction assistée et airbag. L'airbag rend votre route plus sûre. Et pour votre plaisir de conduire, Ford vous offre la direction assistée pour 1 franc de plus jusqu'au 31 mars. Et Ford double la prime fiscale de 5 000 francs. Vous économisez 10 000 francs. Ainsi, vous repartez en Fiesta à partir de 46 900 francs. Venez chez Ford, c'est la fête du printemps. Offre non cumulable. Samedi, dans le journal Bilto, Guilux a réussi un exploit formidable. Il a donné le tiercé et le quartet plus dans l'ordre. Au tiercé, Guilux a fait gagner 2200 francs au lecteur de Bilto. Et au quartet plus, vous pouviez toucher 17 000 francs en suivant le pronostic de Guilux. Oui, vous avez bien entendu, 1 700 000 centimes. On peut en faire des choses avec ça. Eh bien, pour les gagner, c'était simple. Il fallait faire confiance à Guilux dans Bilto. Alors, vous aussi, lisez Bilto. Souriez. Mais oui, vous, les découvreurs, les passionnés, les absolus, car voici le grand retour des 10 jours positifs. Chez Carrefour, jusqu'au 2 avril, le nouveau Pepsi Max, un maximum de goût, sans sucre, 16,90 francs les 4 bouteilles d'un litre et demi. Oui, 16,90 francs les 4. Souriez avec Carrefour, jeu positif. Nostalgie Vidéo et Center Park vous recommandent l'événement du mois. Un grand dessin animé, Pico et Columbus en vidéo. Les aventures extraordinaires de Christophe Colomb et Pico, son fidèle compagnon, à la découverte de l'Amérique. Pico et Columbus en vidéo, la nouveauté Canal Productions. Les parents vont aimer, mais les enfants vont adorer. Pico et Columbus, on n'a pas fini d'en parler. Le silicium organique de SM44 a donné des résultats jamais observés en test. L'arrêt de la chute des cheveux dans 87% des cas et une repousse cheveux et duvet dans 79% des cas. C'était il y a quelques mois l'annonce des résultats du SM44. Des résultats comme n'en avait jamais vu un public de scientifiques. Écoutez, on attendait beaucoup du silicium organique, mais là, je dois dire, les résultats dépassent les espérances. SM44, retrouvez ses cheveux, maintenant c'est normal. SM44 des laboratoires Carilène, consultez votre pharmacien. Elle n'avance pas, votre tondeuse à gazon. Et je l'ai bricolée moi-même à partir d'un vieux ventilateur à pales. Ça l'air, ça le brasse bien, mais l'herbe, ça la coupe pas, hein. Alors que chez Leroy Merlin, il y a des tondeuses tractées avec hauteur de coupe réglable. Oh. Votre gazon pousse, vous n'avez plus à pousser la tondeuse, vous tondez sans peine. Oh. Ah, mais tu vas pouvoir t'y mettre, chérie. Hein? La tondeuse tractée 5 chevaux, 46 cm de coupe, 2790 francs, bac compris. Leroy Merlin vous simplifie le jardinage. Leroy Merlin pour réussir. Femme à la retraite, connaissez-vous tous vos droits aujourd'hui? Ce mois-ci, dans Notre Temps, découvrez le supplément gratuit, le guide des femmes à la retraite. Comment bénéficier d'une retraite personnelle ou du minimum vieillesse? Que faire si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires? Quels sont les avantages des mères de famille? Quelle est votre couverture sociale? Également dans Notre Temps, l'enquête qui révèle l'influence et la force des femmes après 50 ans. Notre Temps, chaque mois, les pages indispensables de la retraite. Du cœur, messieurs. La la la la la la la. Sentons bien haut le nouveau record Conforama. Un grand réfrigérateur congélateur deux portes de 276 litres au total pour 1890 francs avec dégivrage automatique et congélateur 4 étoiles de 53 litres. 1890 francs seulement. Seul Confo peut vous l'offrir. Mais attention, ce record, c'est jusqu'à mardi. Venez chez Conforama. Le pays où la vie est moins chère. Pour plus de détails, 3615 Confo. Premier rayon de soleil. Oh, je voudrais rester près de toi. m'enfuis loin dans tes draps pour ne pas rentrer chez moi. Je t'aime, je t'aime, passe encore dans mes cheveux tes deux mains qui me rendent si heureux. Je t'aime, je t'aime, ne me laisse pas partir loin de toi, je me sens mourir. Je voudrais dormir près de toi pour te souhaiter le bonjour après une longue nuit d'amour. Oh, je voudrais rester près de toi et découvrir sur ton visage que tu n'es pas un mirage. Je t'aime, je t'aime, c'est mon cœur que tu entends, car ma voix est partie retenir le temps. Je t'aime, je t'aime, j'ai besoin de te le dire. Dans ma vie, il suffit de ton sourire. Je voudrais dormir près de toi, être là quand tu t'éveilles au premier rayon de soleil. Couvrir de baisers. Je voudrais dormir près de toi, être là quand tu t'éveilles au premier rayon de soleil. Oh, je voudrais rester près de toi pour te regarder rêver et te couvrir de baisers. Come. bah il y a pas d'erreur. Non, non, c'était bien Vivien Savage sur Nostalgie qui nous présentait sa petite lady. De l'évasion, de l'émotion et les couleurs du bout du monde, c'est Destination Prestige. Avec Voyager Magazine, gagnez chaque semaine un passeport pour le paradis. Du bruit des vagues sur une plage des Seychelles, au parfum des marchés de Ceylan, des chutes du Zambèze au sommet de la cordillère des Andes, Destination Prestige pour aller plus loin dans vos rêves d'aventure. Destination Prestige, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, préparez votre valise. Nostalgie se charge du reste. Et la semaine prochaine, voyage pour de l'Eldorado, la Casbah, au Maroc, avec Michel Côté, dès 8h30. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know? Sermits, no milk today, pas de lait aujourd'hui, mais des cadeaux, pourquoi pas, puisque dès lundi 11h30, ce sera bien évidemment le thème de l'émission de Véronique Lenir, c'est vous qui le dites. Alors si vous souhaitez apporter vos témoignages sur les cadeaux, préférez-vous offrir ou recevoir des cadeaux? Est-ce que vous attendez une fête bien précise pour en offrir? Apportez-nous vos témoignages, vos anecdotes, pourquoi pas au 16 1 53 68 80 82, Véronique vous expliquera tout sur le répondeur. 53 68 80 82, préférez-vous donner ou recevoir des cadeaux? C'est sympathique, moi j'avais un copain qui préférait recevoir plutôt que donner, enfin tout dépend, hein, tout dépend de la circonstance. Si c'est un boxeur, à mon avis, il vaut mieux donner que recevoir. Dis-moi, Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme. seront toujours près de toi. Caplan, nouveauté, La Grande Malle sur Nostalgie. Désormais